Section 31 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Chapitre 31. En acceptant ce mariage, Charlotte n'avait vu que la satisfaction qu'elle donnait à son père. Mais quant à la réalisation même de ce mariage, elle aurait lieu plus tard à une époque indéterminée. Ce que son père voulait, c'était la certitude qu'elle épouserait Narbanton. Cette certitude obtenue par l'engagement qu'elle prenait, il ne demanderait pas davantage. On ne se marie pas quand on a un père mourant. Plus tard. Et elle s'en était tenue à ce mot vague, sans laisser son esprit s'apesantir sur une date fixe. Son père la connaissait assez pour savoir qu'elle ne manquerait pas à sa promesse donnée, et il se contenterait assurément de cette promesse. Cependant, il ne s'en contenta pas, et bientôt il fallut aborder la question de l'époque précise. En pareil sujet, M. de La Hérodière n'était pas homme à s'en tenir à un à peu près. Prendre l'engagement d'épouser Narbanton était bien. Ce n'était pas tout. Il s'agissait maintenant de savoir quand s'exécuterait cet engagement. Le docteur Carfons donna bientôt à cette question un caractère d'urgence qui obligea à la décider promptement. La pleurésie, en effet, passa de l'état aigu à l'état chronique, et M. de La Hérodière ne se laissa pas prendre aux paroles que le médecin voulait faire rassurantes en lui apprenant ce changement. Il connaissait assez la médecine pour savoir que c'était là un pronostic grave. La mort ne le menaçait plus immédiatement, il est vrai, mais si elle s'éloignait pour un temps incertain, elle ne l'abandonnait pas cependant, et les probabilités étaient que dans l'espace de quelques mois, elle ne laisserait tomber la main qu'elle tenait suspendue sur lui. Avant que ce coup le frappât, il voulait que sa fille fût mariée. Ce fut ce qu'il expliqua à Charlotte en la pressant de fixer l'époque du mariage. Celle-ci ne résista pas et n'opposa même pas d'objection à cette prière. Elle avait été loin de penser, il est vrai, qu'on lui demanderait si rapidement l'exécution de sa promesse. Mais puisqu'elle l'avait donnée, elle devait la tenir. D'ailleurs, elle n'avait plus qu'un mobile, faire ce qui pouvait être agréable à son père. Et certes, un mariage, dans des circonstances pareilles, était chose affreuse. Et ce mélange continuel des idées de mort et de mariage était horrible. Mais que pouvait-elle contre cette terrible fatalité? Elle était irrésistiblement entraînée, et elle n'avait même pas le droit d'essayer de s'échapper. La date de la cérémonie fut donc strictement limitée à l'accomplissement des formalités exigées par la loi. Il ne pouvait être question, en effet, de toilette, de trousseau ou d'ameublement, car ce n'était pas alors que la mort planait sur eux qu'ils pouvaient penser à ces choses qui, d'ordinaire, tiennent cependant tant de place dans les mariages. Charlotte fut même touchée de la réserve que Narbanton observa sur ce point. Il ne dit pas un mot, il ne fit pas la plus légère allusion qui puisse donner à croire qu'il se préoccupait de ces détails. Chaque soir, il arrivait à son heure habituelle pour s'installer dans la chambre de M. de La Hérodière, et chaque matin il repartait pour Sarzeau, sans plus chercher maintenant les occasions de tête-à-tête avec Charlotte qu'il ne les cherchait avant. Lorsqu'il se trouvait près d'elle dans la chambre du malade, il lui parlait avec une tendresse qui se montrait bien plus dans l'accent de la voix que dans les paroles même. Mais lorsque par hasard il la rencontrait seule, il évitait soigneusement tout ce qui pouvait modifier le caractère de leur relation. Ils étaient maintenant ce qu'ils avaient été pendant plusieurs semaines, deux amis, rien de plus. Soit que la joie eût produit l'effet favorable dont le docteur Carfons avait parlé, soit pour toute autre cause, un certain mieux se produisit dans l'état de M. de La Hérodière. L'oppression se calma, la toux fut moins fréquente, la fièvre diminua. Il put se lever pendant plusieurs heures, et on lui permit quelques aliments. « C'est de la force que je veux prendre, » disait-il quand on lui servait sa table. Malheureusement, une pomme cuite n'est guère réconfortante. C'est égal, je crois que je pourrais aller à la mairie. S'il le faut ce jour-là, je mangerai une côtelette, quand je devrais mourir d'indigestion en rentrant. Il importe peu que cette journée soit courte, pourvu qu'elle soit bonne. » Les délais légaux s'écoulèrent avec une lenteur irritante pour M. de La Hérodière, avec une rapidité dévorante pour Charlotte. Le notaire vint à la crique faire signer le contrat qui avait été rédigé de la manière la plus simple, reconnaissant avec une parfaite sincérité les apports respectifs des futurs époux. C'était seulement à l'article des donations que Narbanton était intervenu d'une façon prépondérante. En considération du profond attachement que le futur époux porte à la future épouse, disait cet article, il lui fait par les présentes donations de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa fortune au jour de son décès, la dite donation irrévocable et ne pouvant être réduite que dans le cas prévu par l'article 1090. C'était 4 ou 5 millions que Narbanton offrait dès ce jour à celle qui allait devenir sa femme. Lorsque le contrat fut signé, il s'arrangea pour avoir avec elle un entretien en tête-à-tête de quelques minutes. « Je vous reçois des mains de votre père, dit-il, mais c'est de vous seule que je veux vous tenir. Ce qui fera notre mariage, ce ne sera pas la cérémonie de demain, ce sera votre consentement, quand vous le donnerez, librement. » Elle ne répondit rien, mais elle lui tendit la main, et à la pression de ses doigts, il sentit qu'elle était touchée. Malgré tout le désir qu'il en avait, M. de la Hérodière ne put pas sortir le jour du mariage. Le mieux n'avait pas continué, et le docteur Kerfons ne voulut pas permettre une imprudence qui, en cette saison, pouvait devenir mortelle. Heureusement, le maire était un fonctionnaire complaisant. Sur les instances de Narbanton, il consentit à venir célébrer le mariage à la crique, les portes de la maison ouvertes selon le désir de la loi. M. de la Hérodière eut ainsi la satisfaction d'entendre Charlotte répondre à la demande du maire. « Et vous, mademoiselle, consentez-vous à prendre pour légitime mari M. Emmanuel Narbanton ici présent ?»« Le oui, sacramentelle. » Il put aussi apposer sa signature sur les registres de l'état civil. Lorsqu'on revint de l'église, où fut dite une messe basse, il voulut assister au déjeuner offert aux témoins des mariés. Il s'assit entre sa fille et son gendre. À le voir causer, gai, radieux, personne n'aurait cru qu'il savait que la mort se tenait debout derrière son fauteuil, la main levée. Le docteur Kerfons avait demandé que le dîner fût rapidement servi, et le malade put ainsi, jusqu'à la fin, rester à table. Au dessert, il voulut boire à la santé de ses enfants. « Et maintenant, dit le médecin, c'est à la vôtre qu'il faut boire. »« Oh, maintenant, répondit M. de la Hérodière, il n'y a plus à s'inquiéter de moi. Ma tâche est accomplie. » Ce fut son dernier effort. À 3 heures, il reprit son lit, d'où il ne se releva pas. 12 jours après le mariage, il s'éteignit en pleine connaissance dans les bras de sa fille et de son gendre, qui, pendant cette dernière période de sa maladie, ne le quittèrent ni le jour ni la nuit. Son dernier mot fut pour Charlotte. « Tu as pour mari un honnête homme, dit-il. Je meurs avec chagrin, puisque je vous quitte, mais sans inquiétude. Encore une fois, je te remercie de ce que tu as fait pour moi, et je te bénis comme la meilleure des filles. » Lorsqu'ils rentrèrent tous deux à la crique, revenant du cimetière, Emmanuel montra à Charlotte une goélette à l'ancre dans la baie, à la place même où tant de fois à l'automne précédent le bourguignon était venu les attendre. Les yeux pleins de larmes, Charlotte regarda sans voir. « J'ai acheté cette goélette que j'ai baptisée la crique pour remplacer le bourguignon, désormais trop petit, et pensant qu'il vous serait bon de quitter pour quelque temps cette maison trop pleine de cruels souvenirs, j'ai envoyé une dépêche au Croisic pour dire au capitaine de venir nous attendre ici. Vous plaît-il de monter à bord? Vous y trouverez des aménagements convenables pour vous recevoir. Nous pourrons entreprendre le voyage que vous voudrez, court ou long, selon qu'il vous conviendra. « Vous avez été au-devant de mon désir, » dit-elle. « Quand voudrez-vous vous embarquer ?»« Tout de suite, si cela est possible. » »« Rien n'est plus facile. Il n'y a qu'à faire un signal et le canot va venir nous chercher. » »« Je vous demande seulement le temps de faire quelques recommandations à Martin et à Barbe, car je voudrais qu'en notre absence, la maison et le jardin fussent soignés, comme au temps où mon pauvre père était là. Ces arbres, ces plantes qu'il aimait tant, il n'aura pas vu les hépatiques fleurir. Tous les ans, il m'apportait la première qu'il trouvait en fleurs. » Une heure après, ils s'embarquaient sur la crique et Fellow sautait autour d'eux avec des aboiements joyeux. La goélette n'était pas une coquille de noix comme le bourguignon, c'était un vrai navire, aménagé avec le même soin et le même luxe que le petit yacht, mais plus solide à la mer et capable d'entreprendre une longue traversée avec un équipage assez nombreux pour répondre aux besoins du service. Charlotte n'était pas en état de visiter le navire, et en arrivant à bord, elle s'assit sur le pont, caressant machinalement le chien qui était venu poser sa grosse tête sur ses genoux et qui la regardait fixement avec ses grands yeux doux. Debout près d'elle, Emmanuel respectait sa douloureuse préoccupation. Au bout de quelques instants, un marin s'approcha de lui et portant la main à son bonnet de laine bleue, « Quels ordres ? » dit-il. Alors Narbanton se pencha vers Charlotte. « Où voulez-vous que nous allions ? » demanda-t-il. « Oh mon Dieu, où vous voudrez ?»« Droit devant nous, alors. »« Oui, au large, au large. »« Le cap à l'ouest, » dit Narbanton au marin, de manière à passer entre Quiberon et la pointe des Poulains. Les voiles furent hissées, et la goélette, qui présentait le travers à la terre, tourna son beaupré vers la haute mer. S'inclinant sous une assez forte brise du sud, elle s'éloigna de la côte. Immobile sur son pliant, Charlotte paraissait insensible à tout ce qui se passait autour d'elle. Ses yeux étaient fixés sur la maison où elle avait vécu pendant plusieurs années, si heureuse, auprès de son père. Le rivage ne tarda pas à s'abaisser, puis les arbres se confondirent dans une masse sombre, puis la maison ne fut plus qu'un point blanc. Cependant, elle ne la quitta pas des yeux. Mais le yacht continuait sa marche rapide, et bientôt la côte ne fut plus qu'une ligne noire qui, diminuant toujours d'épaisseur, disparut enfin entre le ciel et les eaux. Elle était en pleine mer. Elle frissonna, et de grosses larmes roulèrent sur ses joues pâles, mais à ce moment elle sentit qu'on lui prenait la main. « Nous parlerons de lui, » dit Narbanton. Fin de la première partie. Fin de la section 31.